Imolé, imolé, imolé, tu as été imolé, Jésus. Tu as racheté par ton sang tous les hommes de toutes les nations. Immolé, Jésus. Immolé, immolé, tu as été. Immolé, immolé, immolé, tu as été pour moi. Jésus. Immolé, immolé. Sur ton trône de grâce, couronné de toute la gloire. Oh Jésus, immolé. Devant lui comme une faible plante, comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus, celui qui a été immolé pour nous. Alléluia. Oh Jésus, immolé. liberté. Jésus, à toi l'honneur, la puissance, la gloire et la grâce au siècle des siècles. L'agneau immolé.